Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion, vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mardi 24 juillet, nous souhaitons une bonne fête aux Christines qui vient du grec signifiant Messie. Sociables, ouvertes et communicatives, les Christines sont des femmes séduisantes et charmantes, soucieuses de leur image de marque. Cela se manifestera soit extérieurement par leur apparence et leur habillement, le plus souvent original, soit par leur choix ou leur conception de l'existence. Ainsi les verra-t-on élégantes, raffinées, accueillante, empreinte d'une certaine distinction. Leur besoin de plaire et d'être animé est important et se traduira le plus souvent par un esprit de conciliation, de la gentillesse ainsi que de la serviabilité. Elles peuvent se transformer en femmes responsables, aptes à prendre et à assumer des responsabilités, qu'elles soient familiales ou professionnelles. Éprises d'idéal, elles ont le souci de la qualité et sont navrées lorsqu'elles prennent conscience qu'elles ne peuvent être parfaites en tout. Avec le 6 karmique, elles sont souvent confrontées à des difficultés de type familial, où la famille est le centre de leur existence au point qu'elles sont capables de grands sacrifices pour celle-ci, où leur foyer est disharmonieux, ressenti comme un poids et entraîne une certaine fuite, la peur de se laisser étouffer ou de souffrir, ce qui ne sera pas sans répercussion dans le domaine sentimental. Si elles prennent les choses en main et vont dans le sens de leurs responsabilités, elles auront certes des gratifications mais également des contraintes, parfois très lourdes, en fonction de leur recherche permanente de perfection. Les Christines seront alors celles qui prennent en charge les autres, qui protègent et réconfortent en s'oubliant elles-mêmes. Dans le cas contraire, moins elles s'inscriront dans une problématique d'hésitation, de fuite, de laisser-aller ou d'indolence et rechercheront plutôt à être prises en charge. Dicton du jour, à la Sainte Christine, les blés perdent leurs racines. À la Sainte Christine, coupe le blé, plie l'échine. À la Sainte Christine, mûrit l'aubépine. Pas de célébration internationale et dans les événements qui se sont déroulés un 24 juillet, 1911, c'était la découverte du Machu Picchu. Et en 1967, à Montréal, au Québec, c'était le discours du président français Charles de Gaulle, au cours duquel il avait lancé le fameux « Vive le Québec libre ». Allez, on va tout de suite marquer une première pause musicale avec le titre « Capri, c'est fini », signé Hervé Villard. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais, tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais, ce soir c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Capri, c'est fini. C'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Parfois je voudrais bien te dire recommençons, mais je perds le courage, sachant que tu diras non. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais, mais je me souviendrai rendez-vous que tu m'avais donné. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Nous n'irons plus jamais, plus jamais, plus jamais. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, oh, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, oh, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Que j'y retournerai un jour. Oh, Capri, oh, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini sur RJM. Un peu plus de 8h36, on parle anniversaire. Ils sont nés un 24 juillet 1946, naissance d'Hervé Villard, chanteur français. 1947, naissance de Robert Hays, acteur américain connu pour son rôle de Ted Stryker dans Y a-t-il un pilote dans l'avion et Y a-t-il enfin un pilote dans l'avion. 1949, naissance d'Yves Duteil, compositeur, auteur, interprète français. C'est également l'année de naissance de Michael Richards, acteur américain connu pour son rôle de Cosmo Kramer dans la série télé Seinfeld. 1951, naissance de Linda Carter, actrice américaine connue pour son rôle de Diana Prince alias Wonder Woman dans la série télé du même nom, vue également dans la star de la famille New York, unité spéciale Smallville, et plus récemment dans Supergirl dans le rôle de la présidente des États-Unis. 1952, naissance de Gus Van Sant, réalisateur américain à qui l'on doit Malanoche, Prête à tout, Will Hunting, Psycho, Paranoïde Park ou encore Harvey Milk. 1962, naissance de Thierry Frémaux, acteur français, vu dans Mais qui a tué Pamela Rose, Espace détente, Un ticket pour l'espace libre, Brigade du Tigre, le film, La Rafle dans le rôle du capitaine Pierret, Un heureux événement, Quai d'Orsay dans le téléfilm Dans la tête du tueur dans le rôle de Francis Holm et dans la saison 2 de La Vengeance aux yeux clairs dans le rôle de Karadec. 1965, naissance de Doug Liman, réalisateur producteur américain qui a réalisé La Mémoire dans la peau, Mr. and Mrs. Smith, Jumper, Edge of Tomorrow, producteur de La Mémoire dans la peau, La Mort dans la peau et Jason Bourne, ainsi que des séries télé Newport Beach, Cover Affair, Suits, Avocat sur mesure. 1968, naissance de Christine Chenoweth, actrice américaine, vue dans le film Ma sorcière bien-aimée, La Panthère Rose, Un voisin trop parfait et la série télé À la Maison Blanche dans le rôle d'Annabeth Scott, et elle est apparue également dans quelques épisodes de Glee. C'est également l'année de naissance de Laura Layton, actrice américaine connue pour son rôle de Sydney Andrews dans la série Melrose Place et Melrose Place Nouvelle Génération, vue également dans Les Experts Miami, New York Unité Spéciale ou encore Pretty Little Liars dans le rôle d'Ashley Marine. 1969, naissance de Jennifer Lopez, actrice et chanteuse américaine, vue dans Anaconda le Predator, Hors d'atteinte, Un mariage trop parfait dans le rôle de Marie Fior, Coup de foudre à Manhattan dans le rôle de Marissa Ventura, Le plan B, Un voisin trop parfait, la série télé Will et Grace, How I Met Your Mother et Shade of Blue dans le rôle d'Arley Santos. 1970, naissance d'Axelle Lafont, humoriste, actrice, réalisatrice française, vue dans Beaumarchais l'insolent, Le Raid 3-0 et tout récemment dans le film MILF dans le rôle d'Élise où elle est également réalisatrice et scénariste. Et à la télé, on a pu la voir dans Navarro ou encore H. 1973, naissance de Johan Micou, ancien joueur de foot français qui a fait carrière de 1992 à 2008 en jouant à Cannes, Bordeaux, Parme, au Werder de Brême et a terminé sa carrière en jouant à Bordeaux. 1976, naissance de Laura Fraser, actrice écossaise connue pour son rôle de Lydia Rodart Cale dans la série télé Breaking Bad et elle est apparue dans le film Vanilla Sky. 1979, naissance de Rose Byrne, actrice australienne, vue dans Star Wars épisode 2, L'attaque des clones, dans 3 dans le rôle de Briseis, Marie-Antoinette dans le rôle de la duchesse de Polignac, Insidious 1 et 2 et Insidious la dernière clé dans le rôle de René Lambert, dans X-Men le commencement et X-Men Apocalypse dans le rôle de Moira MacTaggert, Nos pires voisins 1 et 2 dans le rôle de Kaylee Radner, apparu dans quelques épisodes de la série Hartley Cœur à Vif et vu dans la série Damages dans le rôle d'Hélène Parsons. 1982, naissance d'Elizabeth Moss, actrice américaine connue pour son rôle de Zoé Bartlett dans la série télé À la Maison Blanche, son rôle de Peggy Olson Logan dans Mad Men et apparu également dans Grey's Anatomy. C'est également l'année de naissance d'Anna Paquin, actrice canadienne, vue dans La Leçon de Piano, X-Men 1 et 2, X-Men L'Affrontement Final et X-Men Days of Future Past dans le rôle de Malicia, vue également dans Buffalo Soldiers, la série télé True Blood dans le rôle de Suki Stackhouse. 1987, naissance de Mara Wilson, actrice américaine, vue dans Madame Doubtfire dans le rôle de Nathalie Hillard, Miracle sur la 34e rue dans le rôle de Suzanne Walker. 1991, naissance d'Emily Beth Richards, actrice canadienne, connue pour son rôle de Felicity Smoke, dans la série télé Arrow ainsi que dans les séries Flash, Legends of Tomorrow et Supergirl. En 1957, décédé Sacha Guitry, auteur dramatique et cinéaste français à qui l'on doit le roman d'un tricheur, Le destin fabuleux de Désiré Clary ou encore Si Paris nous était compté. En 1980, décédé Peter Sellers, acteur britannique, vu dans La Panthère Rose, Le retour de la Panthère Rose, quand la Panthère Rose s'en mêle, La malédiction de la Panthère Rose et À la recherche de la Panthère Rose dans le rôle de l'inspecteur Jacques Clouseau et vu également dans Docteur Folamour. En 2003, décédé Henri Attal, acteur français qui a multiplié les rôles secondaires dans plus de 150 films, auxquels on peut citer donc Le jour le plus long, Arsène Lupin contre Arsène Lupin, Fantomas, Fantomas se déchaîne, Fantomas contre Scotland Yard, Masculin Féminin, Borsalino, Le gendarme en balade, Borsalino et Nico, La Zizanie, Flic ou Voyou, Les Soudoués, Les Ripoux ou encore Madame Bovary. En 2011, décédé Dan Peek, chanteur guitariste américain du groupe America de 1970 à 1977, et on écoute tout suite un extrait de leur titre A Horse With No Name. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Voilà pour l'extrait du titre Horse With No Name du groupe America. Et en 2012, décédé Chad Everett, acteur américain, vu dans Y a-t-il enfin un pilote dans l'avion, Psycho dans le rôle de Tom Cassidy, les séries télé Arabesque, Melrose Place, Une nounou d'enfer, Supernatural ou encore Castle. Allez, on écoute tout de suite Yves Duteil avec son titre Prendre un enfant par la main. Sécher ses larmes en étouffant de joie. prend dans ses bras. Soulager ses malheurs, tout doucement, sans parler, sans pudeur, prendre un enfant sur son cœur, prendre un enfant dans ses bras, mais pour la première fois, verser des larmes en étouffant sa joie. Contre soi. Sur le 107 FM, un peu plus de 8h47. On fait maintenant un point sur la météo. La météo. Alors, très belle journée ensoleillée, des températures comprises entre 17 et 18 degrés ce matin, entre 29 et 31 degrés pour cet après-midi. Pour mercredi, du soleil, des températures comprises entre 17 et 18 degrés le matin, entre 29 et 31 degrés prévus pour demain après-midi. Et pour jeudi, ce sera encore une belle journée ensoleillée, des températures comprises entre 18 et 20 degrés le matin et entre 30 et jusqu'à 33 degrés prévus pour jeudi après-midi. Allez, on passe maintenant à l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Un mot d'escrime avec les championnats du monde et deux médailles pour l'équipe de France obtenue hier. La plus belle en or, en épée pour Yannick Borel et en fleuret dame, la médaille d'argent pour Isaora Tibus. Un mot de football avec l'Euro U19 et les Bleuets qui se sont qualifiés pour les demi-finales après avoir battu l'Angleterre 5-0. La France affrontera en demi-finale jeudi l'Italie. Un mot de cyclisme maintenant avec le Tour de France. Aujourd'hui, 16e étape, 218 km entre Carcassonne et Bagnères-de-Luchon. Deux côtes de 4e catégorie, un sprint intermédiaire au kilomètre 124, un col de 2e catégorie et deux cols de 1ère catégorie pour terminer. Et on termine avec le tennis. À Atlanta aujourd'hui, Jérémy Chardy affrontera Berankis et à Hambourg, Monfils affrontera Cecchinato. Moutet se repose à Tim. Un duel franco français entre Benoît Paire et Richard Gasquet et Gilles Simon affrontera Montero. Voilà pour l'actualité sportive. On va maintenant marquer notre dernière pause musicale avec Jennifer Lopez Gillo et on va remonter quelques années en arrière avec son tube Let's Get Loud. Let's get loud. Let's Get Loud sur RGM, presque 8h54, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, on fait un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, ce sera durablement vôtre. À midi, la bulle de l'IA consacrée à Greenpeace. 13h30, la rediffusion de Minute Bonheur par l'IA. 16h, rediffusion de Jukebox. 18h, l'heure des loups avec Lou, consacrée au centre des tronches avec la fête des enfants. 20h, la parole est à vous avec Michel. 22h, j'aime et je vous le lis avec Dominique. Minuit, la rediffusion de la bulle de l'IA et nous on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Et excellente journée à tous.